Notre spécialité est d'encombrer de notre présence et de gêner de nos bagages la vie des cités où nous pénétrons. Pour le moment, nous avons l'air de vouloir demeurer sur le versant du quai, et l'on croit que nous allons allumer du feu et faire la soupe. Nous sommes un obstacle au commerce. Les déchargements se font mal. À nous trois, nous tenons plus de place qu'il n'est permis dans un port marchand, et déjà, il se forme des rassemblements autour de notre colonie. Nous étions dans la rue, ma mère d'un côté, moi de l'autre, mon père un éclaireur morne, quand M. Chandler vint par hasard. Il est notre provident, décidément. Il nous mena, comme une bande de prisonniers, dans un logement qu'il connaissait. Et mon père est entré en fonction le lendemain même de notre emménagement. Il a fait peur aux élèves tout de suite. Cela lui garantit la tranquillité dans sa classe pour toujours, et des leçons particulières en quantité. Il a l'air si chien, on prendra des répétitions. Tout va bien. Voyons maintenant la ville. Toutes mes illusions sur l'océan, envolées. Tous mes rêves de tempête, tombés dans l'eau douce, car c'était de l'eau douce. Il faut dire que nous demeurons au haut de la ville et que les grands vaisseaux sont en bas, sur la fosse. Mais je ne fais pas grande différence entre les navires marchands et les bateaux. Vu cette absence de canons et d'uniformes, je confonds le matelot et le marinier dans un même mépris. J'enveloppe dans mon dédain, je confonds dans ma désillusion le loup de mer et la meneur de fromage. J'ai marché ce matin pieds nus sur une chose de bouteille. Ma mère dit que je grandis et que je dois me préparer à aller dans le monde. Elle me demande pour cela de châtier mon langage. Elle veut que je dise désormais « chose de bouteille ». Et quand j'écris, je dois remplacer « chose » par un trait. J'ai marché sur une chose de bouteille et je me suis entré du verre dans la plante du pied. Ah, quel mal cela m'a fait! Le médecin a eu peur en voyant la plaie. Vous devez souffrir beaucoup, bon enfant. Oui, je souffre. Mais à ce moment, le vent a entrouvert ma fenêtre. J'ai aperçu dans le fond le coin du faubourg, le bout de banlieue, le bord de campagne triste où l'on m'emmène tous les soirs. Je n'irai plus de quelque temps. J'ai le pied coupé. Quelle chance! Et je regarde avec bonheur ma blessure, qui est laide et profonde. Ma mère ne se contente pas de me recommander la chasteté pour les mots. Elle veut que je joigne l'élégance à la pudeur. Elle a eu l'idée de me faire donner des leçons de maintien, comme il faut. Au bout de 2 mois, c'est à peine, si je suis en état de faire, une révérence à 3 glissades. Et, lors d'une visite chez la femme du proviseur, Jacques s'étale ridiculement sous le tapis du salon pour faire une révérence. « Mon avancement est fichu pour 5 ans, » dit mon père le soir en se couchant. On renvoie le professeur de maintien le lendemain comme un malotru, et nous en faisons tous trois une maladie.